sans grand sur le ring. Sensible, on est souvent insensible. Pour les sensibles, j'arrive sans faire, sans plan, sans faire couler de sang. Impossible d'être sans grand sur le ring. Sensible, on est souvent insensible. Pour les âmes sensibles, j'arrive sans faire couler de sang. Assurément sans faire, sans plan. Sans respect, sans classe, sans partir en couille. Nous on possède pas de balles sans douille. Sans pognon, sans cède, sans jouer les tentes. Sans pression, sans canon sur la tempe. Sans dep, sans traître, on s'entête. On sent les ports à plus de 100 mètres. Sans stress, sans laisse, sans cesse. À la mine, je déteste les textes sans intellect. Donne un instru et je le cisaille sans tech. Avant d'aller au reps, j'étais un mec sans pec. Sans vodka, sans daroua, on s'en tire. Raison d'écrire aux jeunes sans avenir. Plus de toi sans raison de s'en sortir. N'est plus la peine d'être dans la tête sans en sortir. Sans rage, sans nage et on ne peut rien construire. Sans rire, sans manger, on ne peut rien vomir. Impossible d'être sans grand sur le ring. Sensible, on est souvent insensible. Pour les sensibles, j'arrive sans faire, sans plan. Et ce, sans faire couler de sang. Impossible d'être sans grand sur le ring. Sensible, on est souvent insensible. Pour les âmes sensibles, qui peut rouler sans slim, j'ai qu'il arrive sans frime. Sans calculer, impossible, sans que ça swing. Sans sourciller, sans tu cette pression sanguine. Sur scène, balle 2, c'est rarement sanguine. Sans souci, si tu sais su. Assez de mensonges et un peu plus de retenue. L'esprit souffre quand le corps dit sa douleur. Le sang appelle le sang, il est KO, c'est bientôt son heure. Le doigt de conscience est l'acte de résistance. C'est sans concurrence, donc il faut que tu danses. Si ce son sonne, si ça te lance, c'est comme moi ta confiance. Quand tes cinq sens, c'est les shadows que je fais sans gants. Sans dentier, je force seulement avec mes trois dents. Ne compte pas sur le ring, tu ne peux fuir du ring. Du K-I-L-L sing, et tu sais c'est il king. Impossible d'être sans gants sur le ring. Sensible, on est souvent insensible. Pour les sensibles, j'arrive sans faire, sans plan. Et ce, sans faire couler de sang. Impossible d'être sans gants sur le ring. Sensible, on est souvent insensible. Pour les âmes sensibles, j'arrive sans faire couler de sang. Assurément sans faire, sans plan. C'est pour ceux qui veulent en mettre. On vient pousser, pousser tous ceux qui veulent en être. Casser ceux qui misent sur le paraître. Un disciple bien entraîné peut devenir un maître. C'est le cisailleur, style est direct. Pour les mecs sans pépette, que le système raquette. Que les minorités se connectent, sèche. Et la rime, check. Mon dialecte, anti-tech, anti-frime. Impossible de rester sans gants sur le ring. On peut briller dans le rap, sans être bling bling. Frapper dans le sac ou dans la sale combine. Oublier ce monde, le temps d'un round ou d'une bibine. Le statut, faut le respecter, l'honorer. J'ai déjà un double, donc n'essaie pas de me doubler. Série de jab, gâchette, reste pas sans garde, mec. On te rappellera cette fameuse époque que tu respectes. Impossible d'être sans gants sur le ring. Sensible, on est souvent insensible. Pour les sensibles, j'arrive sans faire, sans plan. Et ce, sans faire couler de sang. Impossible d'être sans gants sur le ring. Sensible, on est souvent insensible. Pour les âmes sensibles, j'arrive sans faire couler de sang. Assurément sans faire, sans blanc.